très bien, j'y vais. Cette fois je vais pas me louper. Je vais tirer vers le bas les coups de pierre et les tracas. Très bien, cette fois je reviendrai pas de si tôt ou de si tard comme les cordes de ma guitare. Tout est en friche autour de moi. Le ciel est bien bas et la lune ne perd des plumes. Le soleil est amer et les nuages de travers. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour une minute avec toi? Non, qu'est-ce qu'on ferait pas pour une minute avec toi? Wow. Pour une minute avec toi. Wow. Pour une minute avec toi. Déverse des mots comme envie d'un cendrier. Tout rouillé le clou enfonce le clou et transperce le ciel dans un fracas nucléaire. Acide et sans scrupules comme un scorpion sur sa dune. Acide et sans scrupules comme un scorpion sur sa dune. Wow. Comme un scorpion sur sa dune. Wow. Comme un scorpion sur sa dune. Dans l'eau de la Clairefontaine, l'eau est bien claire, mais le fond reste vert. Envers et contre tout, j'oublie même comment je m'appelle. J'oublie même les séquelles du monde autour d'elle. J'oublie même les séquelles du monde autour d'elle. Ouah.